له وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes toujours dans le cinquième point. Nous sommes arrivés au paragraphe numéro 4. Rabi'an al-fikaku min subuli al-shaytan. Comment être sauvé, épargné, comment sortir des voies de Satan, des chemins du diable. قال الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب السنة. Donc un des ouvrages, des recueils où sont recueillis dedans, compilés les fondements de Ahl Sunnah, ce sur quoi étaient les premiers musulmans, ce qui distingue les gens de la droiture, du droit chemin, de la faction rescapée, du groupe sauvé, par rapport aux sectes égarées vouées au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et parmi ces recueils, il y a ce recueil As-Sunnah de l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et voilà mon chemin, ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-le, suivez ce chemin d'Allah Azza wa Jal. Et ne suivez pas les chemins, les autres voies. Sinon cela va vous faire dévier de son chemin, du chemin d'Allah Azza wa Jal. On voit bien que c'est employé au singulier. Le chemin qu'Allah agrée, le chemin qu'Allah a mis pour ses serviteurs, le seul qui les amène à leur salut, à ce qui leur donne la véritable vie, il est unique. C'est un seul chemin dans lequel s'y trouvent les enseignements divins et de ses prophètes, alayhi salatu wassalam. Tous les autres chemins, et là c'est le pluriel, car ils sont innombrables, ce sont que des chemins sataniques, démoniaques, qui éloignent d'Allah Azza wa Jal. Et en rien, cela ne rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps dans des discussions, mais plutôt même des polémiques. C'est une perte de temps. Ceux qui viendraient avec des phrases, donc il n'y a qu'un seul chemin. Oui, il n'y a qu'un seul chemin. Alors tous les autres, ce n'est pas de notre faute. Si les gens ne suivent pas le droit chemin, c'est à eux qu'il fallait parler. Pourquoi ils ne suivent pas le droit chemin? Ce n'est pas parce qu'il y a multitude de chemins dans cette vie qu'on va légitimer l'égarement et la déviation. Parce que les gens veulent rester, veulent suivre d'autres chemins que le chemin divin, alors on va dire quoi? Donc ils sont acceptés et on va mentir aux gens que c'est agréé par Allah et qu'en réalité, il faut qu'on se réunisse tous, quel que soit le chemin entrepris par l'un ou l'autre. Ça, c'est mentir aux gens. C'est un mauvais conseiller, celui qui dit ça aux gens. Jamais Allah tabaraka wa ta'ala n'a appelé à cela ou a invité les gens à cela. Allah, il a dit que sa voie, elle est qu'une seule, qui consiste à n'adorer que lui seul, sans rien lui associer, et de ne l'adorer que comme il a légiféré dans les enseignements prophétiques. Un seul chemin, agréé par Allah Azza wa Jal. Donc on va aller où? Elles sont les limites. Donc toutes les religions, elles sont bonnes aussi. Toutes les doctrines, elles sont bonnes aussi. Et chacun peut inventer son propre chemin et prétendre que son chemin mène à Allah. Et chacun peut prétendre recevoir de la révélation et qu'il est envoyé d'Allah et que c'est Allah qui lui enseigne directement sans suivre les règles émises par Allah tabaraka wa ta'ala dans sa création. On veut connaître, on se doit d'apprendre. Apprendre, c'est un cheminement. Donc, où est-ce qu'on va? Le nombre n'a jamais été un gage de vérité. On peut être nombreux comme on peut être peu nombreux. Et il se peut même qu'une personne, elle se retrouve seule. Mais être seul ne veut pas dire être dans l'égarement. Et être nombreux ne veut pas être dans le droit chemin. Il se peut qu'à une époque, les gens du vrai peuvent être nombreux. Mais ce n'est pas une règle en soi. Jamais Allah nous dit dans le Coran, ni son prophète ensemble dans ses hadiths, que c'est le nombre qui prouve qui est dans le droit chemin, qui est égaré. On dit la lumière, Allah il guide les gens vers la lumière de la révélation, vers la guidée, le droit chemin, et les ténèbres. Les ténèbres. Donc ne vous faites pas avoir par des gens malsains, mal intentionnés, qui cherchent à tout prix à égarer les gens. Ne vous attendez pas à voir quelqu'un qui viendra vous dire « Je viens pour t'égarer. » Mais c'est ce que les gens veulent. Mais il ne m'a pas dit qu'il va m'égarer. Il ne m'a jamais dit qu'il m'emmène vers un faux chemin. Mais il faut être fou pour attendre que quelqu'un vous dise ça. Jamais. Même Shaitan, le maudit, le lapidé, lui-même, il fait des fausses promesses aux gens. Lui-même, que tout le monde le sait, Allah nous avertit. Qu'il est votre ennemi déclaré, alors prenez-le comme ennemi. Toute l'humanité savent qu'il est l'ennemi déclaré, cela n'empêche pas que des gens l'écoutent. Et ils lui prêtent oreille. Et ils écoutent ses suggestions. Alors qu'elles viennent de celui qui, depuis très longtemps, il est un ennemi déclaré. Subhanallah. Inna shaytana. لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Le diable est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme ennemi. Il fait qu'appeler les gens de son parti, ceux qui sont de son côté, pour qu'ils soient plus tard parmi les habitants du feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc les gens, c'est clair, ils jouent avec les mots, emploient des mots mielleux, d'apparence bons, mais derrière, qu'est-ce qu'il s'y trouve? Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde à maintes reprises contre les ruses du diable et de ses alliés. Parce qu'ils vont s'efforcer de tous les moyens qu'ils auront pour détourner les gens. Mais il faut toujours demander à Allah Azza wa Jal le raffermissement, la fermeté, d'être toujours dans la guidée, sur la guidée, d'être toujours des gens qui appellent à la vérité, qui sont sur la vérité et qui y appellent avec vérité. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. Dans le sens du verset, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Il est droit, il est clair de jour comme de nuit. Ne s'en égare qu'un homme voué à la perdition. Suivez-le. Il n'a pas dit « Suivez le chemin que vous voulez ». Non, suivez ce chemin-là. C'est celui-là dont il y a ordre d'Allah Azza wa Jal de suivre. Et ne suivez pas les chemins, quels que soient ces chemins. Parce que dès qu'il y a un deuxième chemin, ce n'est plus le chemin agréé par Allah Azza wa Jal. Et quel que soit celui qui appelle, il n'y a qu'un seul chemin sur lequel nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais le prophète n'a enseigné différents chemins à ses compagnons. Il ne leur a enseigné qu'une seule voie dans toute sa rectitude. لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِغُ عَنْهَا بَعْدِ إِلَّا هَالِكَ. Je vous ai laissé, comme a dit le prophète, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, sur une voie droite. qui est clair de jour comme de nuit, ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. Et ne suivez pas les chemins, tous les autres chemins, cela vous fera dévier de son chemin, du chemin d'Allah, Azza wa Jal. Voilà ce qu'il vous enjoint, voilà ce qu'il vous recommande, voilà ce qu'il vous ordonne, subhanahu wa ta'ala. فَأَخْبَرَنَا اللَّهُ أَنَّ طَرِيقَهُ وَاحِدٌ مُسْتَقِيمٌ. Écoutez la parole de ce grand imam, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullahu ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal nous informe que son chemin, qui est un chemin droit, dans toute sa rectitude, n'est qu'un. Il est unique. وَأَنَّ السُّبُلْ كَثِيرًا. Mais les autres voies, elles sont nombreuses, innombrables. Et l'histoire ne pas de dire ou de se poser des fausses questions. Mais est-ce qu'ils sont loin dans l'égarement ou pas loin dans l'égarement? Et c'est qui la pire d'entre elles? Évite-les complètement. Ça te suffit de savoir qu'elle est déviante. Ça te suffit de savoir que ce n'est pas le chemin sur lequel nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama peuvent, en parlant de la gravité, qui est plus grave que l'autre, mais elles sont toutes graves. Il y a des degrés dans la gravité, soit, mais que tu perdes ton temps à savoir quelle est la plus grave, quelle est la moins grave, pour au final prétendre que celle-là, il n'y a pas de problème, elle est moins grave que l'autre. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions non pas pour savoir, mais pour polémiquer. Et il y en a, ils sont malades. Ils aiment bien poser des questions. Tu te poses la question, mais tu en arrives à te demander, mais pourquoi il pose la question? Quel est le but de sa question? Qu'est-ce qu'il a à gagner à chercher une réponse dans cette question? Alors qu'il y a des priorités pour lui. Apprends ce qu'il y a dans le droit chemin. Toute ta vie, tu ne pourras pas tout assimiler et tout apprendre. Combien de gens perdent leur temps dans ce qui leur est, n'aurait pas utile? Encore pire, là où il y a nuisance. Après, ça vient dire pourquoi il ne comprend rien. Pourquoi tout est chamboulé dans sa tête, dans son esprit. C'est normal. Tu as vu tout ce que tu as mis à l'intérieur. Subhanallah, à la base, tu es sur la fitra. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés, il nous a fait sortir des ventres de nos mères, on est sur la fitra. C'est un récipient propre, pur. Il n'y a rien dedans. Il n'est pas entaché. Il n'est pas pollué. Après chacun, l'éducation qu'il a. Puis, alhamdoulilah, quand Allah il lui ouvre les yeux et il ouvre le cœur et le guide au droit chemin, il fait un nettoyage. Et puis, il remplit à la place de ce qu'il y avait comme mal, comme mauvaise chose, en bien. Alors, si toi, volontairement, tu le remplis de tout et de rien, ne sois pas étonné du résultat. Subhanallah, ne sois pas étonné. Comment veux-tu le même résultat que celui qui se préserve, qui préserve ses yeux et ses oreilles, qui préserve ses jambes, où est-ce qu'elles vont, et qui fait en sorte et l'effort de ne prendre que ce qui est bon et utile? C'est pas possible qu'il ait le même résultat pour les deux personnes. Subhanallah. Qu'Allah nous vienne en aide. وَأَنَّ السُّبُلَ كَثِيرَةٌ تَصُدُّ مَنِ اتَّبَعَهَا عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ. Ah voilà. Donc toute personne qui viendrait à suivre ses voies, quelles que soient ses voies, alors cela le fera, l'éloignera, le fera dévier de son chemin, du chemin d'Allah Azza wa Jal qui est droit. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a bien clarifié cela, nous a bien montré cela dans sa sunna, dans sa tradition. عليه الصلاة والسلام. ثم أسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Vous avez vu il y a des petits points. C'est-à-dire que le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, hein, il a sauté des passages. dans les paroles de l'imam Mohamed ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah. Puis il a ramené sa chaîne de narration, hein, ce sont des rapporteurs de hadith, sa chaîne de narration jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et ce récit, ce hadith, on le retrouve aussi dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et d'autres recueils de hadiths. Et il est authentique. En règle générale, les ulama, lorsqu'ils rapportent les hadiths, lorsque c'est dans le Bukhari et Muslim, ça suffit de dire qu'il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Qu'il est dans le Bukhari et Muslim, parce que Bukhari et Muslim ont réuni dans leurs deux recueils les authentiques que ce qui est authentique. Et ceci est reconnu unanimement par les ulama de la communauté. Donc ça suffit. En dehors, en règle générale, en dehors de le Bukhari et Muslim, tous les autres hadiths, les ulama, les muhaqqiqin, les ulama de la sunna, qui vérifie, qui recherche et qui distingue l'authentique du bon, du mauvais, du faible, de l'inventé, ceux-là, ils vont préciser le degré du hadith. Pour le Bukhari et Muslim, il n'y a pas d'utilité, c'est déjà réglé. On sait que c'est authentique. Donc, et le hadith là, il est authentique. Khattalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه ثم قال هذه سبل. Donc le prophète sallam explique à ses compagnons, c'est une explication, une clarification du verset coranique. Donc le prophète sallam, il est dehors, réuni autour de lui ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il leur enseigne, ils prennent de lui. Et il trace un trait droit sur le sable. Un trait droit. Et il leur dit, voilà le chemin d'Allah. Ça, c'est l'exemple du chemin d'Allah. À la gauche et à la droite de ce chemin droit, il a fait plein de petits chemins. Donc, il y a un chemin droit, à la droite, à la gauche, plein de petits chemins. Le chemin droit, il va par là. Les autres chemins, ils partent à droite et ils partent à gauche. C'est-à-dire, ils dévient. ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلِ. Et ça, ce sont les voies, les autres voies. عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوا إِلَيْهِ. À la fin de ces petits chemins, à la tête de ces petits chemins, au bout de ces petits chemins, il s'y trouve un diable qui y appelle. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit certains de ces chemins. Il a dit tous. Tous les chemins. Il n'y en a qu'un seul que le prophète sallam nous a laissé dessus. C'est le chemin d'Allah azza wa jal. Il est unique. Tous les autres chemins, quels qu'ils soient, au bout de chacun d'entre eux, il y a un diable. Il y a un diable. ثُمَّ قَرَأَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Puis, après avoir expliqué cela, clarifié cela à ses compagnons, il leur récite le verset. Et voilà dans le sens du verset, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les autres voies, car ils vont vous faire dévier de son chemin. Puis, Cheikh Abdullah nous précise que l'imam al-Marwazi, rahimahullah, a cité, après avoir ramené ce hadith-là, a cité d'autres chaînes de narration qui rapporte le même hadith. ثُمَّ قَالَ. Puis il dit, فَحَذَّرَنَا اللَّهُ ثُمَّ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُحْدَثَاتِ وَالْأَهْوَاءَ الصَّادَّةِ عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Puis l'imam al-Marwazi rahimahullah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, ainsi que son messager, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les nouveautés dans la religion et les passions qui font dévier, qui éloignent de l'ordre d'Allah, du suivi de l'ordre d'Allah azza wa jal et du suivi de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a déjà, c'est pas grave, on répète. Et plus on répète, et c'est mieux. Ça entre mieux, et c'est mieux compris avec la répétition. Le rappel, pour les croyants, il est bénéfique. « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Il rappelle car le rappel, il est bénéfique pour les croyants. Il n'y a aucun problème à répéter. Hein? Subhanallah. Donc les gens, parce que ce sont des choses qui arrivent, et surtout à notre époque, et c'est beaucoup répété, et les gens ne voient pas le mal souvent. Hein, ils prennent, c'est vrai, à la base on prend les gens comme ils nous viennent. Mais il faut être une personne avertie. Il faut être sur ses gardes. Dans ta vie, surtout le domaine religieux. Les gens font plus attention à leur domaine mondain que le domaine religieux. Ils se permettent dans le religieux ce qu'ils ne se permettent pas dans le domaine mondain. Tellement qu'ils ont peur pour leur survie, tellement qu'ils ont peur pour leur argent et leurs biens, et ainsi de suite. Donc pour ça, ils font en sorte, en règle générale, de faire attention, parce qu'ils savent qu'il y a des loups autour d'eux. Mais dans le domaine religieux, ben, ils ne sont plus trop sur leur garde. Alors que là, il est question de paradis et d'enfer. Il est question, est-ce que je suis dans le droit chemin, ou ai-je quitté le droit chemin ? Subhanallah. Et c'est là, normalement, on devrait encore plus faire attention. Subhanallah. Donc, si tu mets en garde contre les voleurs, c'est pas bien le vol. Personne n'aime être volé. Et tu mets en garde contre les voleurs, et qu'il y a des gens qui commencent à les défendre, d'une manière ou d'une autre. Des avocats du diable, il y en a, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Tu mets en garde contre les menteurs, contre les traîtres, contre les arnaqueurs, contre. Tu as raison. Et surtout, si c'est une période où il y a des problèmes là-dessus, où il y a des gens qui rôdent avec ce mauvais comportement. Et des gens normaux, ce sont des gens qui vont te remercier. Celui qui aurait été préservé, celui qui a failli se faire avoir, mais grâce à cet avertissement, hein, il a été épargné, il va le remercier. Heureusement que tu es venu me prévenir. Et il va en vouloir à ceux qui ne l'ont pas prévenu, n'est-ce pas ? Et bien dans le domaine religieux, c'est encore plus demandé, subhanallah. Que cela plaise ou ne plaise pas aux gens, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on fait ce qui plaît à Allah ou il déplaît à Allah Azza wa Jal. C'est ça le plus important. Et il ne faut pas ramener les mauvais exemples de gens qui se comportent mal ou de gens qui emploient des règles d'une manière mauvaise. On parle de choses bien pratiquées, bien appliquées. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui conseillent mal qu'on ne doit plus conseiller les gens. Subhanallah. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'égareurs. Beaucoup. Et ça monte sur le mimbar, ça prend la parole, ça donne des cours, ça mémorise pas, ça connaît pas. Parce que même connaître, même mémoriser, ce n'est pas un gage d'être sur le droit chemin. Quelqu'un peut mémoriser. Quelqu'un peut avoir un bagage, mais son bagage, il lui est d'aucune utilité. Son bagage, ça sera une preuve contre lui, un argument contre lui devant Allah Azza wa Jal. Donc, il faut faire attention. Alors, que dire de celui qui n'a rien et qui ne vit qu'avec des prétentions et qui s'avance qu'avec des prétentions? Et c'est clair que celui qui a, que dans un monde d'aveugles, celui qui a un petit bout d'ouverture de l'œil, ils vont tous mettre derrière lui, n'est-ce pas? Parce que lui, il a un semblant de vision. Hein? Ils n'ont pas le choix, eux, ils ne voient rien du tout. Lui, il a une toute petite vision, même si elle est floue, même si c'est pas clair. Ils vont être derrière lui, c'est ce qui arrive. Subhanallah, faut faire attention. فهذا الحديث ici se termine la parole de l'imam al-Marwazi rahimahullah. فهذا الحديث ظاهر في ان من التزم بمنهج النبوه امن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وطرق روايته. Donc ce hadith, il est bien apparent, bien clair. Il fait bien apparaître que celui qui reste attaché, cramponné à la voie, au chemin de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera sauvé, épargné de tomber dans les filets des voies du diable et les chemins de son égarement et de sa déviation. وَمَنْ حَادَ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ حَادَ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وقع في حبائل الشيطان والعياذ بالله. Et celui qui dévie de la voie des croyants, la voie des premiers musulmans, ce sur quoi étaient les pieux de cette communauté, alors celui-là, il tombera dans les filets du diable. Nous cherchons la protection auprès d'Allah Azza wa Jal. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. الإمام ابن القيم رحمه الله dit dans son ouvrage الفوائد: lorsque les gens se sont détournés de prendre comme juge, comme arbitre, comme source vers laquelle il faut retourner le livre et la sunna, et de s'en remettre à ces deux sources, à ces deux fondements, et qu'ils ont eu la conviction qu'ils peuvent, ils se permettent de ne pas en revenir au livre et à la sunna, ils pensent qu'ils peuvent se suffire du livre et de la sunna, et qu'ils se sont remis aux opinions, aux idéologies, à l'analogie, et de s'en remettre seulement à la raison qui, elle, va leur dire ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et ils se sont remis aux paroles des chouyours, c'est-à-dire qu'ils les ont prises comme source vers laquelle ils retournent. Alors, il en découle de cet agissement-là un grand mal dans leur nature même, leur saine nature sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala les a créés. Et il y aura une obscurité, une noirceur dans leur cœur, et leurs compréhensions seront entachées, polluées, et leurs raisons ne fonctionneront plus convenablement. Lorsque tout cela prend place, se généralise, se propage et prend le dessus et la suprématie, jusqu'à que le petit, il grandit là-dedans. Et le vieux, il a vieilli dans cela. Et ils ne voient plus cela en tant que mal. Ça y est, les gens, c'est devenu une habitude. Et cette façon de comprendre, de se ressourcer, de suivre, c'est celle qui prime chez eux. Et ils ne voient même plus le mal là-dessus. فَجَاءَتْهُمْ دَوْلَةٌ أُخْرَى قَامَتْ فِيهَا الْبِدَعْ مَقَامَ السُّنَنْ وَالنَّفْسُ مَقَامَ الْعَقْلِ وَالْهَوَى مَقَامَ الرُّشْدِ وَالضَّلَالُ مَقَامَ الْهُدَى وَالْمُنْكَرُ مَقَامَ الْمَعْرُوفِ وَالْجَهْلُ مَقَامَ الْعِلْمِ وَالرِّيَاءُ مَقَامَ الْإِخْلَاصِ وَالْبَاطِلُ مَقَامَ الْحَقِّ وَالْكَذِبُ مَقَامَ الصِّدْقِ وَالْمُدَاهَنَةُ مَقَامَ الْمُنَاصَحَةِ وَالظُّلْمُ مَقَامَ الْعَدْلِ فَصَارَتِ الدَّوْلَةُ وَالْغَلَبَةُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَضْدَادِهَا وَكَانَ أَهْلُهَا هُمُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا رَأَيْتَ دَوْلَةً هَذِهِ الْأُمُورِ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهَا وَرَايَاتُهَا قَدْ نُصِبَتْ وَجُيُوشُهَا قَدْ رُكِبَتْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ ظَاهِرِهَا وَقُلَلُ الْجِبَالِ خَيْرٌ مِنَ السُّهُولِ وَمُخَالَطَةُ الْوُحُوشِ أَسْلَمُ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ. Donc, lorsque les gens en sont arrivés à avoir tout changé, jusqu'à ce que les gens en ont pris l'habitude à ne plus voir le mal là-dedans, leur vient une nouvelle époque, de nouvelles générations, dans laquelle l'innovation a pris place à l'encontre des traditions de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la passion a pris la place sur le raisonnement et sur la guidée et le discernement. L'égarement a pris place face à la guidée, le mal face au bien, l'ignorance face à la science et le savoir, l'ostentation face à la sincérité, le faux face à la vérité, le mensonge face à la véracité, et d'être avec les gens d'une manière mauvaise, de ne pas être un bon conseiller. Il y a un terme pour le mudahana en français? Est-ce que vous connaissez un terme? Un terme précis? Non, le mudahana, c'est le fait d'être avec quelqu'un. Hein, tu es par exemple ami avec lui, lui il croit que tu es un véritable ami, mais en réalité tu n'es pas un vrai ami. Tu ne le conseilles pas convenablement. Tu es là pour des intérêts. Tu veux atteindre quelque chose en étant avec lui. Et lui il croit que tu es là pour de vrai avec lui. Ça c'est ce qu'on appelle mudahana. Mudahana c'est d'être autour de gens et combien le font. Et combien le font pour avoir gagné quelque chose, donc ils ne sont pas véridiques dans leur relation. Donc ça, c'est pour un peu expliquer le terme al-mudahana face au conseil, le véritable conseiller, et l'injustice face à la justice. Alors, lorsque toutes ces choses, ils ont pris le dessus, et que les gens qui se comportent comme ça, ce sont eux qu'on montre du doigt, c'est-à-dire que c'est eux l'exemple. Alors qu'auparavant, c'était tout le contraire. C'était les gens qui n'avaient pas ces mauvais comportements qui étaient montrés du doigt. Et c'était eux qu'on prenait comme exemple. Donc, lorsqu'on en est arrivé à ce résultat-là, et que ces choses ont pris place, et que les étendards, les drapeaux de ces mauvaises choses sont bien posés, et que les soldats de cette idéologie, de cette façon d'être, sont là et ils sont en position de force, à ce moment-là, pour la personne sensée, raisonnable, pour lui, par Allah, le bas de la terre est meilleur que le dessus. C'est mieux qu'il soit mort et enterré qu'il vive ces moments-là difficiles. Et les sommets des montagnes sont mieux pour lui que les grandes plaines. Et d'être en compagnie d'animaux sauvages, barakallahu fik, c'est le terme que je cherchais, d'animaux sauvages est meilleur pour lui que d'être en compagnie de ces gens. Ici se termine la parole d'Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah. Khamisem, cinquième point, toujours dans le cinquième grand chapitre, hein, « al-multazim biha » Parmi les bienfaits, les mérites d'être sur la bonne voie, de suivre la bonne voie, c'est que celui qui est attaché à la bonne voie, il aura, en plus de ses récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal, la récompense de celui qui l'a suivi. Parce qu'il a été la cause pour que quelqu'un suive le droit chemin. Lima akhrajahu al-imam muslim. من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Et ceci, la preuve de cela, l'argument de ce qui était avancé, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim رحمه الله d'après le compagnon Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait revivre une bonne action, il en aura la récompense. Et la récompense de celui qui va l'accomplir aussi, sans, après lui, sans que cette personne ne perde ses récompenses. Celui qui agit, il a ses récompenses, mais celui qui en est la cause, il aura aussi cette récompense-là. Alors s'ils sont nombreux, eh ben, il aura aussi la même part qu'eux. Eux, ils font, ils ont leur récompense, ils ne perdent rien. Et au même moment, celui qui en était la cause, celui qui les a guidés vers ce bien, celui qui les a appelés vers ce bien, celui qui l'ont vu faire, même il n'a pas parlé, mais ils l'ont vu. Et en le voyant, ils ont accompli, ils en auront aussi, il en aura aussi la récompense. Et à la fin de ce hadith, il est parlé aussi du contraire. Celui qui fait revivre une mauvaise action. Il a appelé les gens à cela. Déjà, si lui, il a commis cette mauvaise action, il en aura le péché, la mauvaise action écrite. Puis, ceux qui l'ont écouté, ils l'ont suivi. Il aura une part dedans. Et ceux qui l'ont vu, et puisqu'ils l'ont vu, ils se sont mis à le faire, et bien il en aura une part aussi dedans. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du fils d'Adam, celui qui a tué son frère. Que tous les assassins, c'est la première fois que le crime est commis sur terre. Et de ce fait, tous les crimes commis sur terre depuis, il a une part dedans. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a institué. C'est lui qui a fait vivre cette mauvaise action. Donc tous ceux qui l'ont fait, c'est lui qui est pratiquement leur maître là-dedans. Des mubtadi', des innovateurs, prétendent que ce hadith est une preuve pour dire qu'il y a des bonnes innovations. Parmi leur argumentation, ils ramènent ce hadith. Et comme disent les ulama de la sunna, les innovateurs, en règle générale, ils ont toujours une argumentation. Ils ont toujours une argumentation. Ça, c'est les ulama qui nous le disent. Les gens de la masse, ils n'ont pas à aller regarder cela, ni à prêter oreille aux gens de l'égarement. Non, mais je lui ai demandé, il m'a ramené une preuve. Mais qu'est-ce que tu sais, toi ? Il m'a ramené une preuve. Subhanallah. Donc, ils ont, mais ils disent aussi les ulama que leur argumentation, lorsqu'on vérifie, c'est soit elles sont fausses, elles ne sont pas bonnes, donc on ne peut pas s'argumenter avec, ou soit elles sont véritables, mais elles n'ont rien à voir avec leurs prétentions. ce n'est pas ramené dans leur contexte ni avec la bonne compréhension. Et souvent, ces argumentations, au final, on les retrouve contre ce qu'ils disent et prétendent. Subhanallah. Donc ici, celui qui fait revivre, après les traductions, c'est pas tout traducteur qui est honnête dans sa traduction. Déjà, il y a le sujet comme quoi le traducteur, quand même, il y a des règles à respecter, qui sont la connaissance minimale de la langue, de laquelle on traduit, vers laquelle on traduit. Taïb. De connaître le domaine dans lequel on est en train de traduire. Parce que le langage peut différer. N'est-ce pas? Les terminologies, les termes employés peuvent différer d'une matière à une autre. Ça, il faut le savoir. Subhanallah. Puis, la conviction de la personne, elle l'amène à traduire selon sa croyance. Selon sa croyance. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fil sama. Irhamu man fil ardi. Faites miséricorde, soyez clément avec les gens, avec les créatures, ceux qui sont sur terre. Quelqu'un va traduire, le ciel le sera pour vous. Pour ne pas dire qu'Allah est au-dessus du ciel. Subhanallah. Hein? Alors que non, celui qui est au-dessus du ciel sera clément envers vous. Mais puisque lui, il est contre cette conviction et cette croyance, il va le traduire comment? Le ciel le sera pour vous. Il y en a qui l'ont traduit comme ça. Et ça, c'est une traduction qui est erronée. Ça, c'est un exemple. Tayyib. Donc, déjà dans ce hadith, il faut savoir une chose, le mot bid'a n'est pas employé en arabe déjà. C'est le mot sanna, institué. Et ici, il est voulu faire revivre des actions qui existent déjà. Et comment aussi on le sait? C'est en cherchant l'origine du hadith. Souvent, les hadiths, on a la partie qu'on veut, mais lorsqu'on va regarder dans les recueils, on a la chaîne de narration et on a l'origine, c'est-à-dire le récit qui a amené la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dite à quel moment? C'est un moment où il y a des gens d'une tribu qui étaient très pauvres, presque pas habillés. Ils n'avaient pratiquement rien sur eux. Dans le besoin, dans une nécessité extrême. Et ils font face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est touché par ce qu'il voit. Et il demande aux compagnons de faire l'aumône pour ces gens-là. À ce moment-là, personne ne bouge. Personne ne bouge. Il y a un moment où personne ne bouge. Puis, un compagnon décide de se lever. Et il va chez lui. Et il ramène des choses en aumône. Et il les pose devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compagnons voient ce geste et ils se mettent un par un à aller chez lui ramener des choses. Donc, l'agissement de ce premier compagnon qui a décidé de se lever et d'aller chercher a incité les autres à agir ainsi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu la joie dans son visage, vu tout ce qu'on lui a rapporté pour ces gens-là dans le besoin. Et là, le prophète a dit ce hadith-là. Man sanna fil islam et sunnatan hasana. C'est là où il a dit. Là. Donc on voit bien que ça a été dit pour de l'aumône. Et l'aumône n'est pas une innovation. C'est un acte d'adoration qui est légiféré et qui existe dans notre religion. Hada hadithun zahiru dilala ala azimi ajri. Man ahya hadiyan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il est bien clair dans son argumentation de la grande, l'énorme récompense pour celui qui fait revivre la guidée, la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa hadiya ashabihi radiyallahu anhum رضوان الله عليهم وسلف الأمة الصالح ونشر ذلك في الناس فاقتدى به غيره فله أجر من عمل به دون أن ينقص من أجر ذلك شيئا. Donc, et qui fait revivre la guidée des compagnons, de ses compagnons, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée tous. Et la guidée des prédécesseurs, des pieux prédécesseurs de cette communauté, et qui a propagé, diffusé cela au sein des gens. Et là, les gens se sont mis à le suivre, à prendre comme exemple. Donc, il en aura la récompense. Il aura la récompense de ceux qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, qui ont agi ainsi, sans que eux ne perdent rien de leur récompense. Alors imaginez-vous les ulamas de la communauté, les imams de la communauté, qui prennent la parole et qui invitent les gens et qui exhortent les gens et qui enseignent les gens. Combien de monde les écoute, pratique ce qu'ils enseignent, de par aussi leur pratique, leur façon d'être, les gens prennent d'eux, subhanallah. Donc c'est clair que ils font partie de ceux qui auront une des plus grandes parts, si ce n'est la plus grande part, là-dedans. Et regardez aussi, dans le hadith qu'on a vu, le compagnon qui s'est levé et qui est parti chercher, il n'a pas parlé. D'accord ? C'est bien pour dire que ça ne concerne pas que celui qui a invité les gens à quelque chose. Même de par ton agissement. Tu as agi, ça a encouragé les gens, ça a incité les gens, tu en as aussi les récompenses. Tu es la cause de la guidée de quelqu'un à l'islam. Vous imaginez les récompenses ? C'est toi la cause. Il se convertit à l'islam. Tout ce qu'il va faire comme action, subhanallah. Donc il y a, hein, Allah est bon envers ses créatures, subhanahu wa ta'ala. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. L'imam النووي رحمه الله, il dit dans son commentaire de Sahih Muslim, en commentant ce hadith, il y a là-dedans un encouragement à être le premier à agir en bien, de s'empresser, hein, ne pas toujours être à la traîne. Il y en a, ils attendent que quelqu'un fasse pour aller faire. Bah, sache que le mieux, c'est que tu t'empresses et que tu sois le premier pour gagner toutes ces récompenses. Et de faire revivre les bonnes traditions. Et il y a aussi l'avertissement, la mise en garde contre le fait de ramener des choses fausses et mauvaises. Sadisen, le sixième point, toujours dans le chapitre numéro 5. Anna al-multazim biha. Vous avez le multazem, hein, avec un fatha sur le zay. Ça, c'est une erreur de frappe. An al multazim biha muhassil li sa'adati fi ad-darayn. Donc celui qui est bien cramponné, rattaché, rallié au droit chemin, à la voie des pieux prédécesseurs, hein, il gagnera, il aura acquis le bonheur dans les deux demeures, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. والسبب في هذه السعادة أنه ممتثل لأمر الله عز وجل. La raison, la cause pour laquelle il a gagné le bonheur, c'est qu'il s'acquitte de l'ordre d'Allah عز وجل. Il pratique, applique l'ordre d'Allah عز وجل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ainsi que l'ordre de son messager صلى الله عليه وسلم, cette personne qui est sur le droit chemin, la voie des vieux prédécesseurs, il s'acquitte des devoirs religieux, des ordres d'Allah, des ordres du prophète alayhi salatu wassalam, bi khilafil mu'rid anha alladhi tawa'adahu Allah bi qawlihi, contrairement à celui qui tourne le dos, qui se détourne, qui dévie de ces ordres-là, dont Allah a menacé par sa parole. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah nous dit dans le sens du verset, et quiconque se détourne de mon rappel, il aura une vie dans ce bas monde pleine de gêne, une vie mauvaise, pleine de soucis et de problèmes. Et nous le ressusciterons le jour dernier aveugle, puisqu'il a fait l'aveugle dans ce bas monde, il mérite d'être aveugle dans l'au-delà, n'est-ce pas? Puisqu'il ne voulait pas voir clairement les choses. Et à la suite de ce verset, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il va parler à Allah Azza wa Jal, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que dans la vie je voyais. Allah lui dira, de même que mes versets t'étaient récités et tu t'en étais détourné, de même aujourd'hui, tu es oublié. On se détourne de toi. Wa alayhi, et de là, fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'. Donc, celui qui est rattaché, rallié à la voie des pieux prédécesseurs, c'est quelqu'un qui est dans le suivi ou c'est quelqu'un qui se détourne? Al mutamassiku muttabi'un. Il ne fait aucun doute que celui qui est bien rattaché à la voie des pieux prédécesseurs est quelqu'un qui suit, non pas quelqu'un qui se détourne. En agissant ainsi, il fait partie de ceux qui se rappellent de leur Seigneur. Et qui est dans le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'idha فهو موعود بالنعيم المقيم والأجر العميم. C'est pour cela que lui, il va gagner la promesse divine d'Allah Azza wa Jal d'être dans les délices éternelles et les grandes récompenses. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah nous dit, le Très-Haut, dans le sens du verset, voilà les limites d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement. Et voilà le grand gain. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah nous dit, le Très-Haut, dans le sens du verset, et si vous divergez dans quoi que ce soit, dans n'importe quelle question, alors retournez-la à Allah et à son messager, au livre d'Allah, le Coran, et à son messager, à sa personne, alayhi salatu wassalam, de son vivant, et à ses enseignements après sa mort, alayhi salatu wassalam, à ses hadiths, alayhi salatu wassalam, si vraiment, véritablement, vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est bien meilleur et de meilleure interprétation. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية في تعليقه على الآية السابقة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans son livre Ar-Risala Al-Tabukiya, on pourrait appeler la lettre de Tabouk. Tabouk qui est une ville dans le nord de l'Arabie, pas loin de la frontière de la Jordanie. Donc dans son commentaire qu'il a fait sur ce verset précédent. Dalla hadha ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sabab as-sa'adati ajilan wa ajilan. Ceci prouve, c'est un argument, que l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam et de prendre comme juge, de s'en remettre à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, est la cause du bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. De ce bonheur qui vient tôt ou tard. Tôt et tard. C'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ تَدَبَّرَ الْعَالَمْ وَالشُّرُورَ الْوَاقِعَةَ فِيهِ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَرٍ فِي الْعَالَمْ سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَتِهِ. Et celui qui va méditer sur ce monde, Al-Alam, avec un fatha sur le lam, un fatha sur le lam, Alam, le monde, Alim, ça s'écrit de la même manière avec la haraka qui change. Une kasra sur le lam, c'est un savant. Alam, c'est le singulier de Alamin, Rabbul Alamin, d'accord ? Les mondes, ici c'est le monde. Celui qui va méditer le monde et tous les mots, les catastrophes, les problèmes qui s'y trouvent, il va bien comprendre que tout mal dans le monde est causé par le fait de se détourner, par le fait de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam et de sortir, de se révolter face à son obéissance alayhi salatu wa salam. Wa kullu khayrin fil alam سببه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Et que tout bien qu'on retrouve dans le monde, il est causé par l'obéissance du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc on voit bien que de suivre le droit chemin, d'obéir au prophète sallam, on a tout à y gagner pour sa propre personne et pour tout ce qui t'entoure. Et de contredire, de désobéir, ça amène tout le contraire. Pour toi-même et ce qui t'entoure. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. De même, les maux, les problèmes qui seront à vivre dans l'au-delà, les douleurs, le châtiment qu'il y a dans l'au-delà, tout ceci, tout cela n'est que le résultat du fait de contredire, d'aller à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Fa'ada sharru ad-dunya wal-akhirati ila mukhalafati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ma yatarattabu alayhi. Donc tout le mal qu'il y a dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il est dû à quoi ? À la contradiction, d'être en contradiction avec le prophète alayhi salam et tout ce qui en découle. فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَاعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ طَاعَتِهِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ شَرٌّ قَطْ. Si les gens avaient obéi au messager, tous les gens avaient obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam véritablement, l'obéissance qui lui est due de la meilleure manière, jamais sur terre il n'y aurait eu un quelconque mal. Wa hadha kama annahu ma'lumun fi ash-shurur al-'amma wal masa'ib al-waqi'a fi al-ard فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et de même qu'il est bien connu que tous les maux, les problèmes, les catastrophes générales qui touchent la terre, de même le mal qui touche la propre personne dans son fort intérieur, comme souci, comme maladie et tout autre problème, et tout cela aussi est causé du fait d'avoir contredit, contré, d'être en désaccord avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. وَلِأَنَّ طَاعَتَهُ هِيَ الْحِصْنِ. Et aussi parce que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la citadelle, est la forteresse. الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ. C'est la forteresse qui, toute personne qui y entre, il sera parmi les sauvés. Ceux qui seront saints et sauvés, épargnés. وَالْكَهْفُ الَّذِي مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ كَانَ مِنَ النَّاجِينَ. Et c'est aussi la caverne, la grotte. Celui qui entre dedans, il sera parmi les épargnés. فَعُلِمَ أَنَّ شُرُورَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّمَا سَبَبُهُ الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. Donc il est bien connu, on a bien compris que les maux de ce bas monde et de l'au-delà, la cause de tout ça, c'est l'ignorance, le fait d'ignorer ce avec quoi est venu le prophète صلى الله عليه وسلم et de se révolter ou de faire tout le contraire. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. Donc ceci est une preuve énorme, grandiose, qui ne fait aucun doute qu'il ne peut y avoir de survie. Personne ne peut être sauvé et connaître le bonheur si ce n'est en s'efforçant de connaître ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître les enseignements et les ordres et le chemin, la méthodologie, tout ce que nous a laissé le prophète alayhi salatu wa sallam. Et après l'avoir su, après l'avoir appris, de le mettre en pratique. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.